Chapitre 3e. Jérôme Korff n'était pas homme à s'en laisser imposer. « C'est cela, » dit-il placidement. « Allons au commissariat de la gare. Mais je t'avertis, mon garçon, que si tu essayais de me brûler la politesse, ce serait toi qui serais brûlé. Je ne te raterai pas. Donc allons, passe devant et ne cours pas. Les balles de mon pistolet te rattraperaient. » Bakariades pinça les lèvres, mais ne bougea pas. Pendant une longue seconde, il fixa Korff, lequel demeura impassible. Bakariades dut comprendre les pensées du détective. Il porta la main à sa poitrine. « Bats les pattes, hein, ou je t'abats !» l'avertit Korff. « Oh, je voulais simplement prendre mon portefeuille !» fit Bakariades en baissant la voix. « Il y a dedans 100 billets de 1 000 francs, et ils sont à vous, si vous le voulez. » Korff garda tout son calme. 100 000 francs ou 100 millions de francs, c'était tout un pour lui. « Bonne affaire, » dit-il. « Mais combien donneras-tu au commissaire, hein ? Allons, lève-toi, et arrive, ou je t'abats. Moi aussi, je suis pressé. » Cette fois, Bakariades réalisa sa situation. Il comprit qu'il était fait, perdu, que rien ne pouvait le sauver. « Vous me menacez de m'assassiner, » murmura-t-il. « Parfaitement. Et maintenant, on y va, ou je tire. » Tout en parlant, l'inspecteur s'était levé et tenait son interlocuteur sous la menace de son Browning. Les autres consommateurs, qui jusqu'alors ne s'étaient aperçus de rien, virent la scène. Une femme cria de peur. « Ce n'est rien, » fit Korff. « Je suis agent de la sûreté et cet individu est un assassin. »« Ce n'est pas vrai, » voulut protester Bakariades blême. « Alors arrive au commissariat, tu t'expliqueras, » ordonna Korff à voix haute. Bakariades s'était levé lui aussi. « Passe devant, » commanda le policier. Le mystérieux individu obéit. Parmi l'émotion et la curiosité générale, il sortit du buffet et, flanqué de Korff, se dirigea vers le commissariat de la gare. Le secrétaire du commissaire reçut les deux hommes. « Donnez-moi 2 agents, » fit Korff, après s'être fait connaître. « Je veux conduire cet homme à la sûreté où M. Serpier l'interrogera. »« Je proteste. Je veux qu'on prévienne le consul d'Angleterre, » siffla Bakariades. « Je suis John Bocleffen, protégé britannique. Ça ne se passera pas comme ça. C'est un abus abominable, une atteinte aux droits des gens. Voilà mes papiers. Je ne sais pas ce qu'on me veut, et je dois prendre mon train. Je demanderai des dommages et intérêts, et vous ferez tous révoquer. Laissez-moi partir. » Bakariades Bocleffen parlait avec une telle véhémence et une assurance si entière que le secrétaire du commissaire, intimidé, lança à Korff un regard perplexe. « Vous êtes sûr, au moins que... Je prends tout sur moi. Je sais qui est cet homme, et ses papiers, quels qu'ils soient, n'y feront rien. « Vous serez révoqué avant 24 heures, je vous le dis, » cracha Bakariades Bocleffen. « Vous... Allez, hein, et tout de suite, ou ça va mal aller, » fit Korff, toujours paisible. Grinçant des dents, Bakariades se tut. 2 agents en bourgeois, appelés par le secrétaire du commissaire, lui passèrent les menottes et l'accompagnèrent jusqu'au taxi, où il dut prendre place avec Korff et un des agents. Quelques minutes plus tard, les 4 hommes faisaient leur entrée dans le cabinet de M. Serpier. « Voici M. Bakariades, un ami de Piébal, d'Argolian et consort. Il paraît qu'il s'appelle aussi Bocleffen, » expliqua Korff à son chef. « Et il m'a offert 100 000 francs qu'il a, dit-il, sur lui. » Un agent aussitôt fouilla Bakariades. Une fouille fructueuse. Le prétendu Bocleffen ne s'était pas flatté. Ces 2 portefeuilles contenaient ensemble la respectable somme de 98 000 francs, en billets de 1 000. Dans une poche dissimulée, Korff découvrit un papier jaune sur lequel des hiéroglyphes étaient grossièrement dessinés. Un papier semblable à celui qui avait été trouvé dans les poches de l'homme qui était mort dans le cabinet du chef de la sûreté quelques jours auparavant. Bakariades, de plus, était possesseur d'un splendide chronomètre de précision en or et d'une bonbonnière de corne contenant une poudre brune. Ses papiers d'identité, passeport, déclaration d'étranger, acte de naissance, au nom de John Bocleffen, né à Smyrne et âgé de 33 ans, étaient tout ce qu'il y a de plus en règle. Visa de la préfecture de police, du consulat d'Angleterre, du ministère des Affaires étrangères de France... Somme toute, il n'avait rien contre lui que les accusations de Korff. Celui-ci, s'étant rapproché de M. Serpier, lui expliqua comment il avait identifié Vacariades et comment il s'était assuré en l'interpellant de son nom qu'il ne se trompait pas. Vacariades Boclifant, cependant, continuait à menacer et à protester. Du calme, monsieur Boclifant, dit le chef de la sûreté. Pour l'instant, je vais vous garder à ma disposition jusqu'à examen approfondi de vos papiers. Ils me paraissent suspects. Ensuite, nous verrons si vous êtes véritablement l'homme que vous dites être. Nous vous confronterons avec monsieur Piébal, dont vous êtes l'ami. Tellement l'ami que c'est à cause de lui que vous êtes ici, murmura Korf. Vacariades lui lança un regard de vipère. Et je crois, mon garçon, que tu ferais mieux de tout avouer. C'est de son intérêt, reprit Korf. Nous avons saisi le squelette d'Autodrôle dans la villa d'Argoulian, nous sommes renseignés. À toi de décider. Si tu veux nous aider, tu en seras récompensé. Ou bien si tu préfères que nous perdions quelques jours de plus. Mais dans ce cas, il t'en cuira. Monsieur Korf a parfaitement résumé la situation, approuva le chef de la sûreté. Vacariades Boclifant grinça des dents. Je vais tout vous dire, dit-il d'une voix rauque. Mais ça ne vous servira à rien. Oui, je m'appelle bien Vacariades, et ces papiers sont faux. Mais je suis innocent de tout, moi. J'ai été indignement joué par ce coquin de Piébald. Avant-hier soir, il m'a envoyé à Londres pour m'assurer qu'un ami que nous attendions n'y était pas arrivé. Je n'ai trouvé personne. Je suis revenu cet après-midi et j'ai été pincé comme un collégien. Ce personnage, comment s'appelle-t-il? Questionna Monsieur Serpier. Quel personnage? Fit Vacariades. Celui que vous étiez allé voir à Londres. C'est un ami qui s'appelle Teddy, hein? Précisa Korf. Vacariades lui lança un regard de fou. Comment savez-vous? Oh, nous sommes trahis, je m'en doutais. Alors, mets-toi à table. On t'en saura gré, fit Korf, d'un ton radouci, bon enfant. Oh, je ne vous apprendrai pas grand-chose. Autodrôle est mort, vous le savez. Mais Teddy va arriver, l'associé d'Otto. Teddy a les perles, mais c'est un homme méfiant. Quand il saura qu'Otto est mort, il est capable de tout rompre. Tout quoi? L'association. D'après ce que je sais, Argoulian et Piébald ont fourni les fonds. Mais c'est Autodrôle et Teddy qui ont fait l'opération. Quelle opération? Précisez, ordonna M. Serpier, de plus en plus intéressé. L'affaire des perles, là-bas? Je ne suis pas bien au courant. Mais j'étais courtier chez M. Argoulian et l'on m'a associé. J'ai un dixième des bénéfices. Bref, Argoulian et Piébald ont fourni de l'argent à Teddy et à Autodrôle pour qu'ils puissent s'emparer des perles du vieux Karl Jacobsen, après l'avoir assassiné, fit Monsieur Serpier. Vacariades ne répondit pas. En homme prudent, il voulait bien se confesser, mais sans trop se compromettre. Pourquoi vous a-t-on associé à l'affaire? Insista Monsieur Serpier. C'est Autodrôle qui l'a exigé. Nous étions amis. C'est pour cela que vous l'avez fait assassiner avec vos complices? Je ne suis pour rien dans la mort d'Autodrôle. Je ne sais même pas comment il est mort. Et c'est vous qui m'avez appris que son squelette était dans la villa de M. Argoulian. D'ailleurs, M. Piébal vous en dira plus que moi. Il sait tout, lui. Sans cela. Sans cela quoi? Bon, rien. Je veux dire que s'il ne savait pas tout, il n'aurait pas pu nous trahir comme il l'a fait. Et ce billet pour Marseille, vous y alliez chercher Teddy? Je devais d'abord y retrouver Argoulian et Piébald qui m'y avaient donné rendez-vous. Je croyais les voir ce soir à la Crappe d'Or. Ne l'y ayant pas retrouvé, j'ai cru prudent de ne pas m'attarder. D'autant plus que par téléphone, j'ai su que Sonia Argoulian avait été arrêtée. J'ai décidé de partir pour Marseille sans attendre. Quand arrive Teddy? Demanda M. Serpier. Il arrive, je pense, sur l'Australienne des messageries maritimes. Courrier d'Australie qui sera à Marseille demain ou après-demain. Le véritable nom de ce Teddy? Je ne le sais pas. Des blagues. Tu es mieux renseigné que tu ne le dis. Ne fais pas l'imbécile, mon garçon, grommela Korf. Non, je ne connais pas le nom de Teddy. Nous vérifierons cela. Et ce papier jaune avec les hiéroglyphes qui était dans ton portefeuille, à quoi sert-il? Oh, ça, c'est un papier qui appartient à Piébald. L'autre jour, il l'a laissé tomber de sa poche. Je l'ai ramassé pour le lui rendre, mais je n'y ai plus pensé depuis. Décidément, maître Vacariades, tu ne te compromets pas. Le juge d'instruction saura mieux que nous te faire parler, observa Korff. Comment? Après tout ce que je vous ai dit, vous n'allez pas me laisser en liberté? On va vous envoyer au dépôt où vous coucherez. Demain, le juge de l'instruction décidera ce qu'il doit faire. Nous lui ferons connaître vos déclarations, que vous compléterez si vous le jugez bon. Et je vous le conseille fortement. Vacariades ne répondit pas. Il était anéanti. Deux agents l'emmenèrent. Je pars pour Marseille, n'est-ce pas, chef? Fit aussitôt Korff. Oui, vous n'avez pas mal manœuvré, mais je me demande si Vacariades est sincère. Rien ne nous prouve que, tout en faisant semblant de se confesser, il ne nous a pas de propos délibérés lancés sur une fausse piste. Ah, oh, chef, en tout cas, lui, il partait bien pour Marseille, c'est un fait. Je pense donc. La sonnette de l'appareil téléphonique posée sur le bureau du chef de la sûreté crépita. Hein? Comment? Ah! S'exclama monsieur Serpier, qui avait aussitôt appliqué à son oreille. Par exemple, c'est incroyable! C'est entendu. Oui, j'attends. Merci. Monsieur Serpier, très rouge, raccrocha le récepteur et se tourna vers Koff qui attendait. Sonia Argouliant, dit-il. Elle s'est évadée de Saint-Lazare, disparue. On se demande comment. L'on vient seulement de s'en apercevoir. Le téléphone résonna de nouveau. Cette fois, Korff crut que son chef allait tomber d'une attaque d'apoplexie. C'est ce triplex, gronda Monsieur Serpier. Il vient de m'avertir que Sonia Argouliant était en sûreté et que c'était lui qui l'avait enlevée. Je me demande si. Je vais voir cela. Partez pour Marseille, oui, c'est le mieux. Je veux avoir le cœur net de tout cela.